Bonjour, c'est Fabrice Drouel. Je vous propose, en attendant de revenir très vite avec des épisodes inédits d'Affaires Sensibles, bien sûr, de redécouvrir les fameux rendez-vous avec X. Cette émission culte de Patrick Penaud va vous permettre de pénétrer dans de nombreuses affaires sensibles dans les coulisses des services secrets français. Comment a-t-il été capturé? Y a-t-il eu marchandage avec les autorités soudanaises? Et si oui, qu'a-t-on offert à Khartoum pour obtenir la livraison de Carlos en août 1994, le terroriste le plus recherché des décennies 70, 80 et 90? La question est très controversée, très polémique et cache une vérité dérangeante. Monsieur X poursuit donc son récit consacré à Carlos de son vrai nom, Ilich Ramirez Sanchez, un citoyen vénézuélien issu d'une famille aisée qui a rapidement décidé d'épouser la cause palestinienne et rejoint un des groupes les plus radicaux, le FPLP, Front Populaire pour la Libération de la Palestine. Un pied dans la révolution, un autre dans le luxe, comme l'a écrit une journaliste, Carlos multiplie assassinats et attentats et frappe particulièrement la France. En juin 1975, à la suite d'une manipulation, vraisemblablement fomentée par les services israéliens, selon M. X, le terroriste abat deux policiers de la DST, notre service de contre-espionnage. Auparavant, il a été l'un des organisateurs de la prise d'otages perpétrée dans l'ambassade française de La Haye. Et pour mettre la pression sur les autorités françaises, il lance une grenade dans le drugstore Saint-Germain, tuant deux personnes. Ces exactions expliquent pourquoi la capture de Carlos devient une priorité pour la police française et les services de renseignement. Ensuite, Carlos est l'un des maîtres d'œuvre d'une autre prise d'otage spectaculaire lors d'une réunion des ministres de l'OPEP. Mais peu à peu, l'aventurisme de Carlos, ses imprudences et son inextinguible soif d'argent font que ses liens avec les dirigeants du FPLP se distendent. Et à la fin des années 70, Carlos décide d'agir pour son propre compte. Mercenaire, il vend ses services. Mais pas à n'importe qui. Fidèle à ses engagements marxistes et anti-impérialistes, il ne travaille que pour les États arabes et de plus en plus fréquemment pour le camp de l'Est où il réside désormais. Mais n'a-t-on pas prétendu qu'en réalité, Carlos était un agent des services soviétiques? Говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. флагом космического корабля спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Ce sont les Américains qui ont colporté la rumeur Carlos, agent du KGB. À une époque, celle de la guerre froide, où tout militant révolutionnaire était a priori soupçonné d'être téléguidé par Moscou. Oui, d'accord, mais votre avis à vous, là, vous avez bien dit qu'il est très possible que lors de son passage à l'université Patrice Lumumba de Moscou, Carlos ait été recruté par le KGB. C'est exact, mais ça n'est qu'une hypothèse. Pour ma part, je me contente de constater que Carlos a souvent séjourné dans les pays de l'Est et qu'il a eu de nombreux contacts avec les services secrets de ces pays. Mais parfois, il a été aussi jugé bien encombrant par ces mêmes services. Sa mauvaise réputation. Évidemment. Mmh. Et Carlos, où qu'il aille, a toujours fait l'objet d'une étroite surveillance. En outre, ces mêmes services savaient parfaitement que leurs homologues de l'Ouest n'avaient de cesse de dénoncer la collusion entre le terrorisme et l'Empire du Mal, comme disait Ronald Reagan. Par conséquent, ces services occidentaux étaient en permanence à l'affût. Donc, en retour, à l'Est, on était très prudent. C'est certain. Et si on a utilisé Carlos, c'est à petite dose et le plus discrètement possible. Car, et c'est un autre trait de caractère de Carlos, Carlos n'hésitait jamais à se mettre en valeur et à se vanter de ses sinistres exploits. Pour satisfaire son ego et aussi pour justifier les énormes émoluments qu'il facturait à ses commanditaires. Naturellement. Et plus on parlait de lui, et plus il était cher. Et donc le sens des affaires. Un talent qu'il avait sans doute hérité de son père. Un avocat marxiste, certes, mais qui n'a jamais oublié d'arrondir sa plotte. J'ajoute que Weinrich, le lieutenant allemand de Carlos, a été approché par la Stasi et qu'il est devenu un informateur de la police secrète est-allemande. Alors tout en continuant à travailler pour Carlos. Donc, nouvel élément, vous en conviendrez, qui accrédite l'idée que Carlos et sa petite organisation étaient très liés au service de l'Est. En tout cas, je poursuis mon récit. En 1979, après avoir séjourné à Berlin-Est, Carlos revient à Budapest, sa première villégiature à l'Est. Il est bien sûr accompagné par Weinrich et Magdalena Kopp. Qui est devenue entre-temps sa compagne. Oui, elle a abandonné Weinrich. Mais celui-ci, pas jaloux peut-être, demeure néanmoins le lieutenant de Carlos. En effet. Pas très rancunier. Apparemment, non. Donc tous les trois sont à Budapest. Et les services secrets hongrois ne l'ignorent pas. Bien entendu. Les trois terroristes font même l'objet d'une surveillance accrue, car le chancelier allemand Helmut Schmidt doit effectuer une visite officielle en Hongrie. Mais ça ne plaît guère à Carlos. Quoi cette surveillance? Oui. Alors Carlos, qui a très bien compris que les Hongrois seraient ravis s'il quittait le pays, leur joue un tour à sa façon. Un jour, ayant sans aucune difficulté repéré la voiture suiveuse attachée à ses pas, une auto immatriculée en Allemagne fédérale, il braque l'un des agents lorsque celui-ci descend pour acheter des cigarettes. Et sous la menace de son pistolet, il le conduit jusqu'au poste de police le plus proche, où il explique qu'il vient de démasquer un espion de l'Ouest. Rien que ce sont des policiers. Eh bien, ils sont obligés d'enfermer provisoirement leurs collègues sous l'œil goguenard de Carlos. Au-delà de l'aspect comique de l'épisode, ça montre que Carlos se sent très à l'aise en Hongrie et qu'il peut y faire à peu près n'importe quoi, non ? Ce qui tente à conforter, encore une fois, la thèse de ceux qui pensent que le terroriste est un agent de l'Est. Pas forcément, car il y a une autre explication possible. Si Carlos peut se permettre ce genre de plaisanterie sous un régime qui goûte assez peu l'humour, c'est qu'il est peut-être en mesure d'exercer une sorte de chantage sur les autorités hongroises. Quoi, des informations très confidentielles qu'il a été amené à connaître ? Par exemple, autre preuve que Carlos se sent en Hongrie comme un poisson dans l'eau. Les policiers hongrois, profitant d'une absence du terroriste et de ses amis, fouillent leur villa et découvrent un impressionnant arsenal. Enfin, un peu plus tard, s'apercevant à nouveau qu'il est pris en filature, Carlos descend de son taxi et vide son arme sur la voiture suiveuse. Alors, sur des agents hongrois, donc. Oui, il s'ensuit une discussion assez rageuse avec le chef des services secrets hongrois. Et Carlos comprend qu'il doit quitter Budapest. Oui, mais où sont-ils alors ? Il voyage. car il a besoin d'argent. Cher des commanditaires. Alors on le voit par exemple à Berlin-Est, en Libye, et puis en Roumanie, où Sosescu, je vous l'ai dit, lui confie la tâche de perpétrer un attentat contre Radio Free Europe. Une radio pro-occidentale. Franchement, états-unienne, oui. Et cet attentat alors va réellement avoir lieu ? Tout à fait. Seul problème, les artificiers de Carlos se sont trompés de cible. Au lieu de placer leur bombe devant l'immeuble de la section roumaine de la radio, ils l'ont posée devant la section tchécoslovaque. Oui, Ceausescu n'a donc pas eu pour son argent. Exactement. Autre point alors, comment Carlos, qui est en principe recherché par toutes les polices, arrive-t-il à passer autant de frontières ? D'abord, il évite de se rendre à l'ouest. Ensuite, il dispose d'excellents passeports dont il ne cesse de changer. Ce qui demande d'ailleurs une gestion rigoureuse de tous ces faux documents. Et c'est Magdalena Kopp, photographe expérimentée et secrétaire de la petite organisation de Carlos, qui s'occupe de cette délicate besogne. Kopp qui est aussi chargée de préparer un attentat à Paris. Alors, de quoi s'agit-il cette fois-là ? C'est une commande syrienne. Hafez al-Assad veut se débarrasser du rédacteur en chef d'un journal arabe qui paraît à Paris. Ah oui, Al-Watan. Al-Watan al-Arabi. Son titre complet. Cette publication a le tort de ne pas être assez complaisante avec le président syrien. Et Carlos accepte le contrat ? Il en a bien besoin. Oui. Ah oui, les caisses sont vides. Effectivement. Magdalena, accompagnée d'un citoyen suisse, Bruno Brequet, protégé d'un personnage sulfureux sous lequel on reviendra, François Genoux. Le fameux banquier nazi. Lui-même. Ouais. Donc Magdalena Kopp et Bruno Brequet, en février 1982, se rendent à Paris. Mais ils vont rencontrer tout de suite de nombreuses difficultés. Premièrement, Magdalena se fait voler son sac. À l'intérieur, il y a non seulement l'argent liquide qui doit lui permettre d'accomplir sa mission, mais il y a aussi tout un jeu de faux passeports. Et la tuile, enfin, ça fait un peu amateur. Et ce n'est qu'un début. Un complice chargé de convoyer jusqu'à Paris une voiture bourrée d'explosifs ne se trouve pas au rendez-vous pour confier au couple de terroristes les clés du véhicule garé dans un parking souterrain. Mais enfin, Magdalena et Brequet parviennent à récupérer ses clés. Toutefois, il faut sortir de ce parking situé près des Champs-Élysées. Or, le complice a oublié de leur donner le ticket de parking. Oui, encore une fois, pardonnez-moi de rajouter, mais ça ne me paraît pas très professionnel tout ça. Et vous avez parfaitement raison, car les deux terroristes vont le payer très cher. Sans ticket, ils ne peuvent quitter le parking à moins de passer en force. Et leur attitude paraît suffisamment suspecte pour que deux gardiens viennent leur demander des explications. Alors Brequet sort une arme, tente d'abattre les deux hommes et son pistolet s'enraye. Eh ben, décidément... Et ce n'est pas fini. Kopp et Brequet s'enfuient à pied. Mais les gardiens ont alerté la police et les deux terroristes ne tardent pas à être arrêtés. Échec total, donc. Et fureur de Carlos qui est décidé à tout entreprendre pour faire libérer Kopp et Brequet. D'autant que Magdalena est sa compagne. Et qu'il est très amoureux. Alors il fait quelque chose d'assez inouï. Il envoie une lettre au ministre français de l'Intérieur, Gaston Defferre, afin d'exiger cette libération. Et pour prouver son identité, il appose ses empreintes digitales sous sa signature. Parce que la police française dispose de ses empreintes ? Depuis l'affaire de la rue Toulier, oui. Ah. Alors cette lettre, quoi, c'est une sorte d'ultimatum Et comme Defferre n'a aucune intention de céder à Carlos, celui-ci passe à l'action. Deux attentats visent l'ambassade et le centre culturel français à Beyrouth. Puis comme les autorités françaises ne bougent toujours pas, c'est le train Toulouse-Paris qui est frappé. Ah oui, le Capitole. Et Jacques Chirac, leader de l'opposition, devait se trouver dans ce train. Mais au dernier moment, il a choisi de regagner la capitale en voiture. En tout cas, 5 personnes périssent dans cet attentat. Et ce n'est qu'un début, car l'épreuve de force entre Carlos et le gouvernement français continue. 2 bombes éclatent à Vienne. L'une contre les bureaux d'Air France, l'autre contre notre ambassade. Mais comme les autorités françaises persistent à vouloir juger Kopp et Brequet, Carlos va encore frapper plus fort. Thank you. À plusieurs reprises, M. X a évoqué l'éventuelle appartenance de Carlos au service secret soviétique. Dans un article du Nouvel Observateur du mois d'août 1994, Serge Raffi avance quelques arguments en faveur de cette thèse. En 1969, Ilitch réalise son rêve. Il part pour l'université Patrice Lumumba à Moscou. L'adepte des révolutions chaudes découvre le socialisme de glace. Ilitch Ramirez à Moscou, c'est Zapata dans un Sovkhoz de Sibérie. Viva la muerte au pays des boulots. C'est sans doute dans ces deux années moscovites que se trouve la clé de l'énigme Carlos. Le juge Bruguière en est persuadé, comme beaucoup d'autres spécialistes du terrorisme. Pendant 2 ans, le jeune Vénézuélien, venu de Londres, est un étudiant plus que médiocre. Il fait la noce dans les restaurants de la rue Gorki, court les filles, provoque quelques bagarres et disparaît pendant 7 mois. Ses camarades d'alors se souviennent de ses longues absences. Où était Carlos? Dans un centre de formation du KGB? Aujourd'hui, on en est convaincu à cause d'une cassette vidéo hongroise où Carlos parle au chef des services secrets en russe, comme à un agent traitant. L'homme au béret noir, alias Adolfo José Muller, alias Charles Clerc, alias Glenn H. Gebhard, alias Carlos Andrés Martínez Torres, simple jouet des hommes gris de la place Dzerzhinsky. Ne trouvez-vous pas étrange, raconte un responsable de la BND, les services secrets de la RFA, qu'après 7 mois de disparition, les soviétiques aient monté une incroyable mise en scène pour exclure Carlos de l'université. Ils ont fait tout un tapage autour de son dilettantisme. Ils ont convoqué bruyamment le conseil de l'université pour annoncer son exclusion pour hooliganisme. Avant de le renvoyer dans le circuit occidental, on lui colle une image anticommuniste, classique. En termes de renseignement, nous appelons ça « préparer une bio ». Pour nous, il est évident que Carlos est un agent des soviétiques. Carlos fait encore monter les enchères. En avril, à Beyrouth, l'un de nos diplomates et sa compagne sont assassinés. Et comme le gouvernement français ne semble toujours pas décidé à faire un geste en faveur de Kopp et Breguet, le terroriste charge son lieutenant Wenrich d'organiser un attentat à Paris. La cible ? Ce journal que les Syriens lui ont demandé de punir. Et surtout son rédacteur en chef. Ainsi, Carlos fait coup double. Non seulement il remplit son contrat, mais il montre une nouvelle fois sa détermination à la France. Mmh. Oui, ça, c'est l'attentat de la rue Marbeuf. Le 30 avril 1982. Mmh. Un attentat d'une violence inouïe. Un mort, plus de 60 blessés. La voiture bourrée d'explosifs garée par Wenrich devant l'immeuble du siège d'Al-Vatan fait des dégâts considérables. Mais le rédacteur en chef du journal, en retard sur son horaire habituel, est sain et sauf. Oh, c'est quand même un semi-échec. Hein. Peut-être, mais c'est un nouveau coup de semonce. Et lorsque Carlos prend connaissance des condamnations prononcées contre Kopp et Breguet, 4 et 5 ans de prison ferme, il se venge en perpétrant un nouvel attentat. Encore une fois à Beyrouth. C'est l'ambassade de France qui est frappée et il y a 11 morts. Cependant, l'organisation de Carlos subit des coups très lourds. Des arrestations ont eu lieu. Et Wenrich lui-même est interpellé à Berlin-Est avec une cargaison de 25 kilos d'explosifs. Alors la Stasi l'a lâché? Pas vraiment. Mais les services est-allemands entendent prendre leur distance. Et Carlos alors? Naviguant entre Bucarest et Damas, il espère toujours faire libérer sa compagne et Bruno Breguet. Et il imagine des plans d'évasion. Mais en même temps, il essaie de négocier avec les autorités françaises. Et que peut-il proposer? L'arrêt des attentats. Et qui peut négocier en son nom? Il semble bien que Jacques Vergès ait conduit ses tractations avec des personnages proches de l'Élysée. Maître Vergès. Avec des résultats? On peut simplement noter que Kopp et Breguet seront libérés après avoir effectué un peu plus de la moitié de leur peine. Ouais, c'est une clémence toute relative. Aussi est-ce pour cette raison que Carlos continue à frapper les intérêts français. D'abord, la Maison de la France à Berlin. Et c'est assez extraordinaire parce que l'attentat a été réalisé avec les 25 kilos d'explosifs saisis par la Stasi lors de l'interpellation de Wenrich. Alors que la Stasi la lui a rendu? En effet, à condition que ces explosifs ne soient pas utilisés contre un pays européen. Et les types de la Stasi auraient marché dans la commune? J'ai du mal à y croire. Je partage votre avis. En tout cas, Wenrich est maintenant persona non grata en Allemagne de l'Est. Ensuite, trois valises piégées explosent dans le train Marseille-Paris le 1er janvier 1984. Puis la gare Saint-Charles est une nouvelle fois frappée 25 minutes plus tard. 5 morts au total. Il faudrait aussi parler d'un attentat contre notre centre culturel à Tripoli et d'un autre contre les locaux de l'aérospatial à Paris. Mais Carlos en reste là. D'ailleurs, Magdalena Kopp va bientôt sortir de prison. Quand exactement, hein ? En mai 1985. Une petite anecdote en passant. Pendant toute sa détention, Magdalena a été étroitement surveillée. Et seul, son avocat, Jacques Vergès, était autorisé à la visiter. Jacques Vergès à qui elle a tricoté un pull. C'est touchant. En effet, oui. Et quand celle-ci a été libérée, il lui a fait à son tour un cadeau, une bague et un collier avec une étoile en pierre rouge. Ouais, mais elle ne va avoir rien de plus pressé que de retrouver Carlos. Carlos qui se trouve alors à Damas et s'ennuie. Peu à peu, les pays de l'Est refusent de le recevoir. Le cercle se rétrécit. Hein. Oui, et puis il y a toujours le problème de l'argent, car le terroriste n'est pas décidé à renoncer à son luxueux train de vie. La question financière est d'autant plus cruciale qu'il a maintenant charge d'âme. Magdalena lui a donné une petite fille, Rosa Elbita. Bientôt, Carlos va être obligé de reprendre sa vie d'errance. Même la Libye, désormais, refuse de l'accueillir. Auparavant, il a quand même réussi un coup assez fumant avec l'aide de François Genet. Ah ouais, ça c'est le banquier nazi. Exécuteur testamentaire de Hitler, Goebbels et Bormann. Ah ouais. Joli personnage. Et ce coup fumant alors ? Carlos est sollicité pour organiser l'enlèvement du fils du richissime Akram Hoxha. Le marchand d'armes saoudien ? Lui-même. Et qui est derrière alors cette sollicitation ? Un homme qui joue un si grand rôle dans les ventes d'armes ne manque pas d'ennemis. Alors, qui exactement, je ne sais pas. Et ça n'a pas beaucoup d'importance. Pour cette opération, Carlos fait appel à François Genoux, qui connaît très bien Hoxha. Ils ont même créé une banque ensemble. Effectivement, ça crée des liens, ça. Il pense que c'est Genoux qui a dû prévenir Hoxha des menaces qui pesaient sur son fils. Et la réaction du marchand d'armes est immédiate. Il paie aussitôt. Avant même la tentative d'enlèvement. Donc, hein. Et il met sur la table 7 millions de dollars que se sont partagés Genoux et Carlos. Alors là, il s'agit purement et simplement de banditisme. Ouais, hein. Même si Carlos peut se justifier en mettant en avant les liens qui unissent Hoxha et le régime corrompu de l'Arabie Saoudite. C'est donc nanti d'un solide magot que Carlos et sa petite famille essaient de trouver un pays qui accepte de leur donner asile. Il faut aussi noter que le couple n'est plus aussi uni. Certes, Magdalena est toujours amoureuse, mais des dissensions sont apparues. Par exemple, la jeune femme a été choquée par l'exécution d'un membre de leur petite organisation, un Allemand, que Carlos soupçonnait de jouer double jeu et qu'il a abattu de sang-froid. Elle soupçonne même son compagnon de vouloir se débarrasser de son ami Weinrich. Ouais, son ancien amant. Hein. Carlos voit des espions partout. Manifestement, il a beaucoup changé. Mais c'est peut-être parce qu'il se sent traqué. Les services tchèques, pour l'obliger à partir, lui ont d'ailleurs dit que des Français étaient sur ses talons. Enfin, il y a une dernière raison qui explique que, peu à peu, Magdalena se soit détachée de Carlos. Quand Genoux est venu à Damas, lors de l'affaire Hoxha, le banquier lui a demandé de le conduire dans une maison de la ville. Et la jeune femme s'est aperçue qu'il s'agissait du refuge du criminel nazi Alois Brunner. Oui, Brunner qui était depuis de longues années protégé par les Syriens. Et Magdalena a été horrifiée. Parce qu'elle était venue à l'action politique justement par réaction contre le passé nazi de son père. Elle était choquée. Hein. Mmh. Ouais. Alors, l'errance de Carlos, refoulée par la Libye, l'est ensuite par le Yémen, et très curieusement, il choisit de s'installer en Jordanie. Un pays arabe, mais pro-occidental. Hein, et Carlos Jordanie, ne s'y sent pas trop à l'aise. Alors il songe à subir une opération de chirurgie esthétique. Ah oui, pour changer de visage, quoi. Mais finalement, il renonce et revient de la clinique après une opération où, très préoccupé par son physique, il s'est fait dégraisser la poitrine. En même temps, Magdalena, qui est devenue Madame Ramirez Sanchez, choisit, elle, de partir au Venezuela où elle est accueillie par sa belle famille. Ça ne gêne pas trop Carlos, qui est tombé fou amoureux d'une jeune Jordanienne, Lana. Et c'est avec elle que le terroriste, depuis longtemps converti à l'islam, s'envole vers le Soudan, son dernier refuge. qui est vraiment Carlos? Dans leur ouvrage « Carlos, le dossier secret » paru chez Picolec, Roland Jacquard et Dominique Nasplès donnent d'abord des informations recueillies auprès de ses avocats. Carlos est un mur, mais un mur percé de fenêtres largement ouvertes sur un ego démesuré. Les seules informations qu'il lâche au compte-gouttes sont celles qui peuvent brouiller les pistes ou encore pourront le faire mousser sans que pour autant il devienne un délateur. Puis les deux auteurs font état de leurs sentiments personnels. Carlos apparaît comme un homme déphasé. Il a passé toute sa vie dans des pays régis par des dictatures, derrière le rideau de fer ou dans le monde arabe, sans parler de l'Amérique du Sud de son enfance. Son expérience du monde réel se limite à la perception d'un ordre établi communiste ou autocratique oriental qui ressemble plus au meilleur des mondes d'Orwell qu'au monde des démocraties policées vu par Alexis de Tocqueville. Carlos est en réalité un être inadapté dans une démocratie occidentale. Il n'en comprend ni les ressorts, ni les subtilités, ni surtout les perversions. Il a du mal à imaginer qu'un état de droit n'a pas systématiquement recours à la méthode du coup tordu, voyant et grossier pour arriver à ses fins, y compris pour le juger et le condamner. Sa vie entière n'a été que manipulation et montage périlleux ou aléatoire pour survivre, fuir et combattre. Lorsqu'il arrive au Soudan en 1993 avec sa jeune épouse jordanienne... Est-ce qu'il l'a épousée ? Carlos est devenu musulman, je vous le rappelle. Donc quand il arrive à Khartoum, le terroriste est un homme aux abois. Son organisation n'existe plus. La plupart de ses amis l'ont abandonné ou ont été arrêtés. Et la chute du mur de Berlin l'a coupé de tous ses contacts à l'Est. Et pourquoi les dirigeants soudanais ont-ils accepté de l'accueillir ? Le pays est alors gouverné par des islamistes radicaux. Ouais. Hassan al-Turabi. Un idéologue, oui. C'est à l'époque l'homme fort du Soudan. Et il ne faut pas oublier que Ben Laden s'est alors provisoirement installé au Soudan, qui pour les Occidentaux est devenu le principal sanctuaire des terroristes islamistes. Il est même menacé d'embargo par la communauté internationale. Mais que va faire Carlos dans ce pays rigoriste ? Bon, c'est vrai que la vie ne doit pas y être très drôle, mais Carlos a réussi à y dégoter un club arménien où il peut jouer aux cartes, danser et boire de l'alcool. Ouais. Alors ça, c'est quoi ? C'est la vie d'un terroriste retraité. Ça y ressemble. Pourtant, afin d'obtenir l'hospitalité des Soudanais, Carlos a proposé à al-Turabi de devenir son conseiller militaire. Mais il n'a guère tenu ses promesses. Et sous quelle identité se cache-t-il ? Il est arrivé avec un passeport yéménite, mais il devient bientôt Abdallah Barakat, un honorable commerçant libanais. Un commerçant sans activité professionnelle. Mais que personne ne soupçonne d'être le fameux Carlos recherché par toutes les polices. Cependant, au Soudan, enfin, au plus haut sommet de l'État, on sait qui se cache sous ce pseudonyme de Barakat. Là. Bien sûr. Mais il y a aussi un autre homme qui est au courant, François Genoux. Ouais, toujours ce banquier nazi. Là. Genoux, c'est aussi l'homme qui paiera la défense de Barbie. Mais il faudra un jour prochain que je vous parle plus longuement de ce curieux personnage qui a manifesté sa vie durant un antisémitisme forcené. Ouais. Donc, d'accord, on en reparlera. Donc Genoux sait que Carlos se trouve au Soudan. Pour une bonne raison. C'est le banquier qui assure une partie de son train de vie. Ouais, il lui envoie de l'argent. Régulièrement, oui. Alors, poursuivons. Quand je vous ai dit que le Soudan, en raison de son soutien au terrorisme international, était au banc des nations, j'ai quand même commis une petite omission. Il y a un pays, au moins, qui continue d'entretenir de bonnes relations avec le Soudan. Et c'est la France. Oui, pourquoi ? Il y a plusieurs raisons, dont une, au moins, relève de la géopolitique et de la traditionnelle rivalité en Afrique entre la France et les pays anglo-saxons. Je vous explique. L'Ouganda, en passe de devenir une importante puissance régionale, est alors le fer de lance de l'influence anglo-saxonne dans l'est de l'Afrique. On en aura la preuve lors du drame rwandais. Oui, car après les massacres Hutus, c'est l'armée Tutsi, puissamment soutenue par les Ougandais, qui prendra le pouvoir dans ce pays francophone. Hein. C'est exact. En outre, il y a la question de la rébellion au Sud-Soudan. Ouais. La guérilla chrétienne de John Garang. Oui, oui, comme elle reçoit via le Rwanda des armes fournies par les Américains, les services français ont tendance à prendre le contre-pied. D'autant que ça se passe tout près de notre précaré francophone. Le Tchad. Et le Centrafrique. Ah, oui, oui. Autant de motifs qui font qu'on assiste à un rapprochement entre le Soudan et la France. Mmh. Oh, un rapprochement discret, naturellement. Le Soudan est en effet placé par les États-Unis sur la liste des pays voyous. Et puis, il existe une dernière raison. Nos services de renseignement surveillent de très près ce qui se passe en Algérie où, après la confiscation du succès électoral du fils par les généraux, le GIA, son bras armé, a déclenché une véritable guerre civile. Il va même perpétrer des attentats sur notre sol. Et Paris compte sur la proximité idéologique entre islamistes soudanais et algériens pour amorcer des contacts avec le fils. Ouais, afin de prévenir des attentats. Par exemple. Et aussi obtenir des informations sur l'opposition islamiste en Algérie. Tout cela sous l'égide des services de renseignement soudanais. Mmh. Bon, jusque-là, je ne vois rien d'étonnant, là, mais, ou même de répréhensible. Vous avez raison. Mmh. Mais ce qui est quand même très curieux, c'est que cette politique est pilotée par le seul ministère de l'Intérieur. L'Intérieur qui court-circuite donc le ministère des Affaires étrangères. Hein. Or, place Beauvau. C'est le terrible Monsieur Pasqua, comme l'a appelé l'un de vos confrères, qui règne et contrôle en particulier la DST. Notre service de contre-espionnage. Et Pasqua qui, vous vous en souvenez, voulait terroriser les terroristes, aimerait bien accrocher à son revers une nouvelle médaille, la récompense pour une victoire qui peserait très lourd sur le plan politique. Ouais. La responsabilité de la capture de Carlos. Oui, et pour obtenir ce succès, Charles Pasqua est prêt à faire beaucoup de concessions. Et même des cadeaux. Enfin, n'allons pas trop vite. Sur le terrain, le maître d'œuvre est tout désigné. Ce sera le désormais célèbre général Rondeau. Ouais. En 1994, Rondeau est une sorte d'électron libre au sein de la DST. Après avoir appartenu aux ZEC, m'avez-vous dit. C'est exact. Autre particularité de Rondeau, c'est un spécialiste de la civilisation arabe qui a noué de solides relations avec nombre de services secrets de la région. Enfin, Rondeau est sur les traces de Carlos depuis fort longtemps. Il en a même fait une affaire quasi personnelle. Il est épaulé par un autre homme proche de Pasqua, électron libre lui aussi, mais au sein de la DGSE, Jean-Claude Mention, un très bon connaisseur de l'Afrique centrale et orientale. Mais on en reparlera sans doute à une autre occasion. Ah, encore une autre occasion d'entretien, mais très bien. Alors, première question, là, comment Rondeau a-t-il découvert que Carlos se trouvait au Soudan? À mon avis, il n'y a que deux réponses possibles. La première me paraît assez improbable. François Genoux aurait pu trahir le terroriste. Mais pourquoi? Et puis c'est un peu contradictoire avec la suite. Le banquier nazi sera en effet l'un de ses plus fermes soutiens lorsque Carlos sera emprisonné en France. Alors, la deuxième version? Les Soudanais et leur guide spirituel et politique, Al-Tourabi, en ont assez de Carlos. Vous voulez dire qu'il n'était plus d'aucune utilité? Et qu'il risquait à terme de leur créer des ennuis. Et puis, il y avait des propositions très alléchantes de Paris. Lesquelles, alors? Encore un peu de patience, je vous en prie. Rondeau engage donc un dialogue avec le chef des services secrets soudanais. Mais, pour fixer les conditions dans lesquelles Carlos sera enlevé? Naturellement. Alors, concrètement, voyons comment ça se passe. En août 1994, Carlos décide de se faire opérer. Une intervention chirurgicale bénigne qu'il a pourtant longtemps repoussée. Mais quoi, hein? Une varice sur un testicule. L'opération se déroule très bien, et le 13 août, encore à demi-anesthésié, Carlos regagne sa chambre. À la clinique, hein? Oui, aux alentours de 20 heures, trois hommes se présentent à la clinique. Ils prétendent appartenir à la sécurité d'État et annoncent au médecin que l'homme qu'ils viennent d'opérer est recherché dans le monde entier et que sa vie est menacée. Ah, il faut donc le mettre en lieu sûr. Enfin, c'est le sens de leur discours. Et c'est ainsi que Carlos, à demi-conscient, est embarqué. Le lendemain, le terroriste est enfermé, tenu au secret, et dans la nuit qui suit, coiffé d'une cagoule et après avoir reçu une injection de somnifère, Carlos est transporté à bord d'un petit avion en réaction, couleur de la France. Et quand il se réveille, il constate qu'il se trouve sur l'aérodrome militaire de Villacoublay. Ouais, et il est immédiatement emprisonné. Hein. En vertu d'un mandat du juge Bruguière. Il a donc été victime, soyons clairs, d'un véritable enlèvement. Et ça suscitera maintes polémiques. Et curieusement, l'avocat de Carlos, Jacques Vergès, ne suivra pas les autres défenseurs qui voulaient porter plainte contre l'État français. Mais enfin, passons. Alors le marché, car c'est un véritable marché qui a été passé entre la France et le Soudan. Mais qu'est-ce que la France a mis dans le plateau de la balance, alors? Ben, un gros paquet cadeau. Détaillons. Il y a d'abord, et c'est classique, des fournitures d'armes et la promesse d'aider l'armée soudanaise et les services secrets à se réorganiser. Ensuite, il y a des modalités financières, réduction de la dette et nouveaux prêts. Mais l'essentiel n'est pas là. Quoi alors ? Le gros problème du Soudan, c'est cette rébellion sudiste qui n'en finit pas. Alors Paris va donner un sérieux coup de main à l'armée soudanaise. D'abord en lui fournissant des photos aériennes des positions rebelles. Ensuite, en obtenant du Centrafrique et du Zaïr l'ouverture de leurs frontières afin que les militaires soudanais puissent pourchasser les rebelles et les prendre à revers. Mmh. Ça, c'est une très grave ingérence dans un conflit qui, après tout, ne concernait pas notre pays. Hein. Ah, je suis d'accord. Alors, je sais bien que Charles Pasqua a nié énergiquement l'existence de ce marché. Mais dans ces conditions, comment justifier cette très discrète visite que lui a faite Hassan Al-Touabi fin juillet 1994, c'est-à-dire quelques jours avant l'enlèvement de Carlos? Et vous pensez qu'il s'agissait de conclure ce marché? Bon, ça me semble évident. Étonné. Je pense que cette collusion franco-soudanaise avait été ébauchée depuis plusieurs mois. Et au fond, en choisissant de venir se réfugier au Soudan, Carlos est sans doute tombé dans un piège fort bien élaboré. Encore un mot, si vous le voulez bien. Dans ce dossier, un point m'a toujours intrigué. Je vous écoute, là. Pourquoi le Mossad n'a-t-il pas éliminé Carlos? Le Mossad qui en avait incontestablement les moyens. Rappelez-vous la liste de Golda, tous ces hommes qui avaient peu ou prou une responsabilité dans le massacre des Jeux Olympiques de Munich, ont été tués les uns après les autres par des commandos de l'État hébreu. Carlos, lié à la mouvance la plus radicale de la cause palestinienne, n'aurait-il pas dû être une cible prioritaire pour des Israéliens? Mais, or, il n'en a rien été. Alors, je me demande si Carlos, assassin et terroriste légendaire, n'était pas plus utile vivant que mort. Utile à Israël, vous voulez dire? Oui, car sa seule existence permettait de criminaliser la cause palestinienne. Et je peux vous révéler qu'une première tentative d'enlèvement de Carlos par nos services au Venezuela, dès 1977, a échoué à cause des Israéliens. Les Israéliens qui ont éventé ce projet? Et donc indirectement donné l'éveil à Carlos qui s'est empressé de fuir. Êtes-vous convaincu maintenant?